Ulysse, qui couche sous le porche, s'aperçoit que certaines servantes vont rejoindre les prétendants. Athéna le calme et lui donne le sommeil. Le lendemain matin, Pénélope apporte l'arc d'Ulysse. Elle promet d'épouser celui qui pourra lancer une flèche en la faisant passer à travers une rangée de haches. Eumée est ému par l'arme de son maître. Télémaque met en place les haches, mais s'abstient de concourir, sur un signe de son père. Quand on eut chauffé l'arc, les jeunes essayèrent. Pas un ne le tendit. La force leur manquait, et l'écart était grand. Parmi les prétendants, il en resta bientôt, avec Antinoos, que l'autre de leur chef, le divin Eurymaque. Leur valeur les mettait de beaucoup hors de pair. Or, s'étant concertés, Eumée et le bouvier se décidaient ensemble à quitter le logis de leur maître divin. Derrière eux, le divin Ulysse se leva, sortit de la maison, et déjà de la cour, il franchissait les portes, quand il les rappela doucement et leur dit « Bouvier, et toi, Porcher, puis-je vous dire un mot ? Voudrait-il mieux me taire ? J'obéis en mon cœur et je parle. Voyons, seriez-vous en humeur de lutter pour Ulysse, si jamais il rentrait, si tout à coup le ciel le ramenait ici ? De lui, des prétendants ? Auxquels irait votre aide ? Répondez, n'écoutez que vos cœurs et vos âmes. » Le maître des bouviers aussitôt répondit « Puisses-tu, Zeus le Père, accorder à nos vœux que le maître revienne, que le ciel nous le rende. Tu verrais ce que vaut et mon bras et ma force. » Eumée, pareillement, invoquait tous les dieux pour le retour du sage Ulysse en sa demeure. Quand il fut bien certain de connaître leur cœur, Ulysse, reprenant la parole, leur dit « Eh bien, il est ici, regardez-le. C'est moi. Après 20 ans, je rentre au pays de mes pères, de tous mes serviteurs. C'est vous seul que je vois, après tant de traverses, souhaiter mon retour. Du moins, de tous les autres, n'ai-je pas entendu un vœu pour ma rentrée. Aussi, je vais vous dire en toute vérité ce que je compte faire. Si quelque jour un dieu jette sous ma vengeance les nobles prétendants, je vous marie tous deux, je vous donne des biens, je vous bâtis une maison près de la mienne. Et pour moi, désormais, vous êtes les amis, les frères de mes fils. Mais, tenez, s'il vous faut une marque certaine, vos cœurs, sans plus douter, pourront me reconnaître. C'est la plaie que jadis, de sa blanche défense, me fit un sanglier lorsque j'étais allé avec le fils d'Autolycos sur le Parnasse. À ces mots, écartant ses haillons, il montra la grande cicatrice. Après l'avoir bien vu, avoir bien recherché leur souvenir du maître, ils jetèrent leurs bras au cou du sage Ulysse, et tout en pleurs, avec amour, ils le baisaient au front sur les épaules, et le maître en retour les baisait tous les deux sur le front et les mains. Et le soleil couchant eut encore vu leurs pleurs, si, pour les arrêter, Ulysse n'avait dit « Laissez, larmes et cris, car il ne faudrait pas que, sortant de la salle, un de leurs gens nous vît, et retourna le dire « Rentrons l'un après l'autre, et non pas tous ensemble, moi d'abord, vous ensuite, et veillez au signal, car ces fiers prétendants vont tous me refuser mon arc et mon carquois. Alors, divin Eumée, à travers la grande salle, viens m'apporter cet arc à moi-même, en main propre, puis tu diras aux femmes de fermer sur la salle leurs portes en bois plein, et si l'on entendait ou des cris ou des coups dans notre enclos des hommes, que pas une au dehors ne sorte, et pas un mot, mais qu'on reste au travail. Je te demande, à toi, divin Philétios, de veiller au portail de la cour, ferme-le, mets prestement la barre, et noue-la d'une corde. » Sur ces mots, il rentra au grand corps du logis et reprit l'escabeau qu'il venait de quitter. Et bientôt, après lui, les deux bergers rentraient chez le divin Ulysse. L'arc était maintenant dans les mains de Eurymaque. Il le tournait de ci, de là, pour le chauffer à la lueur du feu, mais sans pouvoir le tendre, et son cœur glorieux éclatait de colère. En gémissant, il dit enfin et déclara « Que je souffre, ah, misère, et pour moi et pour tous, ce n'est pas tant l'hymen qui cause mes regrets. Je sais, en mon dépit, bien d'autres Achéennes, soit en cette cité d'Ithaque, entre deux mers, soit dans les autres villes. mais voir notre vigueur dépassée de si loin par le divin Ulysse, et que pas un de nous n'ait pu tendre cet arc. Quelle honte pour nous, jusque dans l'avenir! Antinoos, le fils de Pythès, répliqua. « Non, il n'en sera rien, Eurymaque. Oublies-tu qu'elle fête aujourd'hui, célèbre notre peuple? Et tu sais de quel dieu? Comment tirer de l'arc aujourd'hui? Rien à faire. Mais que toutes les haches restent ainsi plantées. Personne ne viendra les enlever, je pense, en voulant pénétrer dans la salle d'Ulysse chez le fils de Laerte. Allons, que les chansons nous remplissent les coupes, que l'on fasse l'offrande, puis posons l'arc courbé. Mais pour demain, donnez au maître chevrier l'ordre de nous fournir la fleur de ses troupeaux. À l'honneur d'Apollon, du glorieux archer, nous brûlerons les cuisses, et reprenant l'essai, finirons le concours. » Ayant sa ruse en tête, Ulysse la visite prit alors la parole. « Écoutez, prétendant de la plus noble reine, voici ce que mon cœur me dicte en ma poitrine. Mais d'abord, Eurymaque, et toi, Antinoos, au visage de Dieu, j'aurais une prière. Tu viens de prononcer une sage parole en disant qu'aujourd'hui, il vaut mieux laisser l'arc et s'en remettre à Dieu. Demain, ils donneront la force à qui leur plaît. Mais voyons, prêtez-moi cet arc si bien poli. Je voudrais essayer la vigueur de mes mains, voir s'il me reste encore un peu de cette force qui jadis se trouvait en mes membres alertes. Aussi la vie errante et le manque de soins me l'ont déjà fait perdre. » Il dit. Mais le courroux des autres éclata. « Si le vieux allait tendre cet arc si bien poli !» Antinoos prit la parole et le tensa. « Mais tu n'as plus ta tête, ô le plus gueux des hôtes !» Mais Pénélope alors, la plus sage des femmes, « Je crois, Antinoos, qu'il n'est ni beau ni juste que l'on marque d'égard à l'hôte, quel qu'il soit, que mon fils a chez lui. Mais regarde cet homme. Si grâce à la vigueur de son bras, il tendait, lui, le grand arc d'Ulysse, crois-tu qu'en sa maison, il pourrait m'emmener et m'avoir pour compagne? Mais lui-même, en son cœur, n'eut jamais cet espoir. Non, que pas un de vous ne s'en fasse un chagrin. Vous pouvez banqueter. Rien n'est plus impossible. » Eurymaque, le fils de Polybe, intervint. « Mais non, fille d'Icare, au sage Pénélope, jamais nous n'avons cru qu'il pourrait t'emmener. C'est si peu vraisemblable. Mais nous serions honteux d'entendre hommes et femmes et jusqu'au moins vaillants des Achéens nous dire « Ah, ces gens sans vigueur. D'un héros imminent, ils recherchent l'épouse et ne peuvent bander son arc si bien poli. Alors qu'un mendiant qui passe, un vagabond, tend sans peine la corde et traverse les fers. Voilà ce qu'on dirait pour notre déshonneur. » Mais Pénélope alors, la plus sage des femmes. « Eurymaque, tu veux que le peuple vous loue, lorsque, sans respecter la maison du héros, vous venez la manger. Où voyez-vous en tout ceci le déshonneur? Non, regardez cet hôte, il est grand, bien bâti. Il se flatte d'avoir un père de sang noble. Allons, donne-lui l'arc si bien poli. Voyons s'il arrive à le tendre. Pour moi, je vous le dis, et vous verrez la chose. S'il tend l'arc, s'il obtient d'Apollon cette gloire, je lui donne des habits neufs, robes et manteaux, un épieu bien ferré pour écarter de lui et les chiens et les hommes, un glaive à deux tranchants, les sandales aux pieds, et je le fais conduire en tel lieu que son cœur et son âme désirent. » Posément, Télémaque la regarda et dit, « Ma mère, sur cet arc, aucun autre Achéen, qu'il régisse en seigneur les monts de notre Ithaque, ou les îles qu'on voit de l'Élide aux chevaux, n'a le droit, comme moi, de prêt ou de refus, selon qu'il me convient. Personne ne pourra forcer ma volonté. Si même il me plaisait d'en faire le cadeau, pour toujours, l'étranger emporterait cet arc. Mais rentre à la maison et reprends tes travaux. Ta toile, ta quenouille. Ordonne à tes servantes de se remettre à l'œuvre. L'arc est affaire entre hommes. Donc, affaire à moi, qui suis maître séant. » Pénélope, en tremblant, regagna son étage, le cœur rempli des mots si sages de son fils. Et lorsqu'à son étage, Elle fut remontée avec ses chambrières. Elle y pleurait encore, Ulysse, son époux, à l'heure où la déesse aux yeux pères Athéna vint jeter sur ses yeux le plus doux des sommeils. Or, le divin Porché, ayant pris l'arc courbé, le portait vers Ulysse. Mais tous les prétendants le huaient dans la salle. Le Porché reprit l'arc. À travers la grande salle, il s'en fut le remettre aux mains du sage Ulysse. Puis, ayant appelé la nourrice Riclée au dehors, il lui dit « Télémaque t'ordonne, ô très sage Riclée, de fermer sur la salle vos portes en bois plein, et si vous entendiez ou des cris ou des coups dans notre enclos des hommes, que pas une au dehors ne sorte, et pas un mot, mais restez au travail. » Il disait. Sans qu'un mot s'envolât de ses lèvres, la nourrice ferma la porte entre la salle et le corps du logis. Le bouvier, en silence, avait quitté la salle et le long de l'enceinte avait couru fermer le portail de la cour. Ulysse tenait l'arc, le tournait, retournait, tâtant de ci, de là, et craignant que les vers n'eussent rongé la corne en l'absence du maître. Ulysse et la visée finissaient de tâter son grand arc, de tout voir. Comme un chanteur qui sait manier la cithare, tend aisément la corde neuve sur la clef et fixe à chaque bout le boyau bien tordu, Ulysse alors tendit sans effort le grand arc, puis sa main droite prit et fit vibrer la corde, qui chanta bel et clair comme un cri d'hirondelle. Pour tous les prétendants, ce fut la grande angoisse. Ils changeaient de couleur, quand d'un grand coup de foudre, Zeus marqua ses arrêts. Le héros d'endurance en fut tout réjoui. Il avait bien compris, cet Ulysse divin, que le fils de Cronos, aux pensées tortueux, lui donnait ce présage. Il prit la flèche ailée qu'il avait, toute nue, déposée sur sa table. Les autres reposaient dans le creux du carquois, celle dont tâteraient bientôt les Achéens. Il l'ajusta sur l'arc, prit la corde et l'encoche, et sans quitter son siège, il tira droit au but. D'un trou à l'autre trou, passant toutes les haches, la flèche à lourde pointe sortit à l'autre bout, tandis que le héros disait à Télémaque, « En cette grande salle où tu le fis asseoir, ton hôte, ô Télémaque, fait-il rire de toi? Ai-je bien mis au but? Et pour tendre cet arc, ai-je fait trop d'efforts? Ah, ma force est intacte, quoique les prétendants m'aient pu crier d'insultes. Mais voici le moment. Avant qu'il fasse nuit, servons aux Achéens un souper que suivront tous les jeux de la voix et ceux de la cithare, ces atours du festin. » Et des yeux, le divin Ulysse fit un signe, et son fils aussitôt, passant son glaive à pointe autour de son épaule, reprit en main sa lance qui dressait près de lui, à côté au fauteuil, la lueur de sa pointe.